pas sous les draps. Et toi tu fonces. Ta volonté, tu y renonces. Pour du bonheur bien éphémère. Un instant, un rayon de lumière. Et toujours la même question revient dans leur discussion. Arrivent à rêver aussi rare qu'effrayant. Tes rêves de bons, pas de méchants, pour vivre un peu plus rassuré. Dehors du feu, des cris, des balles monte aussi haut qu'une cathédrale. Toujours la même question revient dans leur discussion. Pourquoi ?